Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Alors, attends. Ah ben, voilà. Donc, tu prends une casserole pas spécialement belle, pas spécialement grosse, mais tu prends une casserole qui n'est pas trop épaisse au niveau du fond pour que la chaleur elle aille vite dans le sucre. D'accord ? Tu mets du sucre. Tu mets du sucre, je sais pas, sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Et tu mets ça sur le feu. Tu vas voir. Tu mets ça sur le feu, c'est tout. Tu mets du sucre dans la casserole sur le feu. Et quand ça commence à devenir marron et liquide, tu tournes un peu pour que tous les morceaux de sucre fassent le caramel. Et après, ce caramel liquide, dès qu'il est bien liquide, il ne faut pas qu'il soit noir, hein, parce qu'après, ça devient amer. Quand il est bien marron, tu le verses au fond du moule et tu remues ton moule, tu vois, pour que le fond il soit bien plein. Et c'est fini, c'est tout. C'est ça, le caramel. Voilà, bon. Et ben... Pas d'eau dans le caramel ? Non. Tu dis ? Je demandais s'il n'y avait pas d'eau dans le caramel. Il n'y a que du caramel et du... Il n'y a que du sucre. Le caramel, il n'y a que du caramel et du caramel. Le caramel, c'est du sucre cuit, hein, c'est tout. Hein. Voilà, bon. Alors, une fois que tu as mis ton caramel au fond du moule, c'est fini. Tu mets la casserole dans l'eau et tu attends que le reste se nettoie tout seul. Bon, voilà. Alors, après ça, tu as ton moule avec du caramel au fond. Tu laisses de côté. Après, tu mets 1 litre de lait entier à bouillir. Avec de la vanille, c'est bien. Et tu le laisses bouillir. Dans un autre récipient, tu bats 6 œufs entiers, tout mélangé, jaune et blanc, avec 100 g de sucre en poudre. Et tu bats. Il faut que ça fasse une espèce de matière blanche et mousseuse. Mmh. Voilà. Quand ton lait, et oui, j'ai oublié, non, j'ai rien oublié. Quand ton lait, il a bien bouilli, dans cet appareil blanc mousseux, tu verses le lait bien bouillant et tu tournes sans arrêt. Voilà, c'est fini quasiment. Après, cette espèce de lait sucré aux œufs, tu le verses dans le moule où il y a le caramel. Tu prends un récipient un peu plus grand que le moule où tu verses de l'eau. Tu mets le moule dans cette eau, c'est ce qu'on appelle le bain-marie, et tu mets tout ça au four. Voilà, c'est fini. Et tu fais cuire, disons, 3/4 d'heure quand même. Four assez chaud. Moi, je dirais entre 180 et 200. Voilà. Et après, quand c'est fini, tu le laisses refroidir tranquillement et tu le démoules que quand c'est froid. Donc, tu prends une assiette un peu creuse, tu retournes tout dedans, comme ça, tu as tout le caramel qui va rester dans la partie autour de la crème renversée qui est maintenant un peu dure comme du flan. Et voilà, c'est fini. Au travail, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et quoi, t'es la première fois, Christine, parce qu'on démarre comme ça avec une recette, mais on ne sait même pas qui tu es, quoi. C'est la première fois que tu faisais ça, Christine, La crème caramel ? Ouais. Ah non, c'est pas la première fois. Je sais pas, moi je fais tout le temps ça, la crème caramel. Oh. C'est pas dur, et c'est surtout que les gens, ils aiment bien. Ça fait comme dans l'ancien temps. Voilà. Ça fait comme dans l'ancien temps, là, j'ai pas compris. Ben, ça fait comme les desserts de l'ancien temps, comme quand tu vas chez ta grand-mère manger la crème caramel, voilà. Donc, mais même, ça peut faire comme dans le nouveau temps, hein. C'est pas le problème. C'est clair, on peut inventer des nouveaux temps. Voilà. Bon. Attends, je range le livre, voilà. Allez, ici, on fait un petit portrait. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup, Christine. On fait un petit portrait dans la cuisine ce matin, avec Christine, dans sa cuisine. Mais Christine est loin d'être... t'es pas que dans ta cuisine, quoi. Hein. Non, la cuisine, c'est belge. En France, on dit la cuisine. Non, c'est une blague. Hein, ça. Elle est bien. Ouais, je sais, le matin, je suis en forme. Bon, donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben voilà, on discutait un peu hier soir. Moi, je trouvais ça marrant de démarrer là-dessus. C'est-à-dire que quand on parlait d'alimentation... Et ceci dit, la conversation, c'est toi qui... Tu peux toi aussi envie de discuter de certaines choses. Hein. Moi, je démarre là-dessus. Après, c'était marrant d'entendre la conversation d'hier, parce qu'habituellement, on parle d'alimentation et on dit... tu disais, toi, que... Répète ce que tu disais. Comme ça, je le transforme pas. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je disais que dans l'ancien temps, enfin, disons l'ancien temps, quand j'étais plus petite, dans les années 60-70, on mangeait des choses de moins bonne qualité que maintenant. Et il y a eu des grosses bagarres et des gros mouvements d'opinion pour que, déjà, les aliments, il y ait la composition écrite sur l'étiquette, ce qui n'existait pas dans l'ancien temps. Ça veut dire dans les années 60, c'est pas l'ancien temps. C'est joli comme tu dis, mais l'ancien temps, c'est les années 60-70, quoi. Bah, ça dépend. Moi, l'ancien temps, ça peut être même plus récent. Pour moi, l'ancien temps, c'est avant. Bon, alors, c'est un peu vague comme notion. Mais bon, je dis toujours ancien temps. Enfin bon, dans l'ancien temps, que je précise, années 60-70, il y a eu ce mouvement qui disait « il faut qu'on sache ce qu'on mange, il faut qu'on sache ce qu'il y a dedans ». Il y a eu tout ce qui était colorant, chimique. C'est vraiment le début. Et il y avait une dame, je me rappelle très bien à la radio, que ma mère écoutait tout le temps, qu'elle adorait d'ailleurs, qui s'appelait Anne Gaillard, et qui est toujours en bagarre. Elle poussait des hurlements à la radio, elle invitait des marchands, elle invitait des chefs de supermarché, elle invitait des producteurs, elle disait « oui, c'est monstrueux », et tout le monde se s'engueulait à la radio, c'est incroyable. Donc, je sais que, d'ailleurs, c'est pas moi qui invente, parce que regarde, quand t'écoutes Jean Ferrat, qui dit que la montagne est belle. Manger du poulet aux hormones. Et bien ça, c'est vrai. Je suis sûre, enfin c'est même quoi, je suis sûre, je sais, qu'on faisait manger au poulet des farines de poisson, et quand tu achetais le poulet, sauf bien sûr quand tu allais acheter le poulet à la ferme, mais bon, le poulet que tu trouvais dans les supermarchés à l'époque, il avait le goût de poisson, c'était dégueulasse. Et donc, non mais sans blague. Je trouve ça trop bon. Et au fur et à mesure, ça c'est vraiment la conscience que les gens ils ont de ce qu'ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Donc aujourd'hui, les aliments que tu achètes, ils sont quand même de meilleure qualité. Alors, bon, au moins, en tout cas, c'est marqué dessus ce qu'il y a. Bon, il y en a, ils font peut-être pas trop attention, mais je pense qu'on se nourrit mieux malgré tout. Qu'il y a 30 ans. Ça, j'en suis sûre et certaine. C'était le stade du début, la grosse consommation, tout ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, on ne sait même pas tout encore, hein, mais. Voilà. Bon, il y a Jeanne aussi autour de la table. Je ne sais pas si Jeanne va parler, mais voilà. C'est ta mère, Jeanne. Oui, c'est ma mère, et j'aime bien parce qu'à chaque fois, elle raconte des histoires et on n'est jamais au courant. C'est la première fois que j'entends cette histoire de poulet, et c'est fou, quoi. Le poulet, c'est pas une histoire personnelle, le poulet, c'est pour tout le monde. Oui, mais tu pourrais être comme ces vieilles qui radoguent et qui racontent toujours la même, quoi. Mais non. C'est-à-dire que... C'est un compliment, là. Hein. C'est pas ça, mais après, c'est une question de circonstance. Il y a quelqu'un... on parlait, c'est venu comme ça par hasard. Je veux dire, je ne vais pas me bloquer sur le poulet et au poisson. voilà, ça vient comme ça dans la conversation. C'est pas un cheval de bataille pour moi. Hein. Bon, et là, Christine, on est à Paris. Oui, c'est pas faux. C'est même vrai. Ouais. On est à Paris 20e, rue de Fontarabie, au numéro 11. Le 11, c'est mon chiffre préféré. Parce que dans le tarot, le 11, ça veut dire la force. La force tranquille. Et d'ailleurs, en parlant de la force, j'ai vu l'autre jour, mais alors franchement, je tombe dessus par hasard. À la télé, le matin, je me demande si c'était pas genre plutôt un dimanche ou un samedi. Enfin, c'est un jour où je peux regarder la télé. Donc de toute façon, c'est un week-end. Il y a des émissions d'un philosophe. Comment il s'appelle donc? Gabriel Enthoven. Le gars de Carla Bruni. Il s'appelle Raphaël Enthoven. Voilà. Enfin bon, il fait de la philosophie, mais tu vois, franchement, tu comprends ce qu'il dit. Même si c'est un vrai langage de philosophe, mais enfin, c'est accessible. Et donc, il parlait de la différence entre le pouvoir et la puissance. C'était super intéressant. Et donc, quelle est la différence entre le pouvoir et la puissance? En fait, le pouvoir est temporel, en fait. La puissance, elle est éternelle. Donc, ce n'est pas, si tu veux, tu peux avoir le pouvoir et la puissance, mais à choisir, qu'est-ce que tu préfères, le pouvoir ou la puissance? Puissance. Bah, évidemment. Évidemment, ça dure plus longtemps. Ça a l'air mieux, en tout cas. Non, mais c'est même pas ça. C'est que la puissance, comme son mot l'indique, c'est le potentiel. Donc, t'as la puissance. Si un jour tu veux le pouvoir, tu peux. C'est tout. T'as que le pouvoir, c'est pas pour ça que t'auras la puissance. Le pouvoir, c'est soit tu te l'es attrapé, soit on te l'a donné, mais... C'est que... Ouais, tu gardes pas ça tout le temps, quoi. Le pouvoir, c'est un passage. Justement, ça n'implique pas que tu as le potentiel. Enfin, j'ai beaucoup adoré cette émission sur le pouvoir et la puissance. Donc souvent, les gens qui ont la puissance ne recherchent pas le pouvoir. Ça ne les intéresse pas, puisque de toute façon, ils savent que potentiellement, ils peuvent faire des choses. Donc c'est pour ça que les gens qui sont super puissants, mais tu peux avoir la puissance mentale, la puissance physique, la puissance de l'énergie quoi, en toi-même. T'es pas obligé d'être gros et fort pour dire que t'as la puissance. Mais tu sais que tu as un potentiel. Et donc je me disais, il y a des gens... S'ils sont puissants, ils n'ont pas besoin de le montrer. Ils n'ont pas besoin d'avoir des effets ostentatoires. Et c'est moi le plus fort. De toute façon, ils l'ont, ils le savent. Et quand quelqu'un se met toujours en avant, c'est que justement, il ne l'a pas. C'est sûr. Mais il y a aussi le pouvoir sur soi-même. Parce qu'on n'arrête pas de parler dans des organisations de travail, par exemple, hein, il a le pouvoir. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà réfléchi à ça. Ça ne m'intéresse pas du tout, la place du chef. Déjà, c'est d'apprendre à se contrôler soi-même, là, tu vois, d'être chef de soi-même. Tu comprends? Je comprends ce que tu dis. Mais, dans une organisation, malgré tout, il faut un chef. Parce que sinon, l'action, elle se dissout. Donc, il faut... Dans le sens de chef, si tu veux, le chef, au départ, en latin, dux, c'est celui qui conduit. Donc, c'est comme la tête, chef, la tête, tu vois, c'est le mot. Mais là-dessus, moi, j'ai plein de choses à dire, parce que j'ai travaillé dans une organisation là, pendant 3 ans, et ce qui était intéressant, et ça pose plein de questions, moi, je dis pas qu'il faut pas de chef, hein. Mais déjà, si t'as un chef qui contrôle pas ses émotions, ses petites crises et ses machins, c'est fatigant déjà, tu vois. Alors peut-être qu'il faudrait un chef, tu vois, dans le CV, c'est noté, sache se contrôler, a fait un travail sur lui-même, tu vois, parce que... Non, il faut un coordinateur plutôt... C'est ce que je te dis, un mais conducteur. Mais l'idée, en fait, c'est que tout le monde, qu'il y ait une hiérarchie à l'horizontale, en fait. Parce que dans une tête, quand t'as un gars, même une femme, quoi, ou une gonzesse qui se prend pour... ce qui est intéressant, le chef, c'est qu'il va écouter toutes les idées non, de mais tout là, le monde. Il ne faut pas confondre deux notions. La notion de chef au niveau d'une action, et après, la notion de comment est l'être humain. Alors, tu as des gens qui sont chefs qui sont nuls, tu as des gens qui sont agents qui sont nuls. Après, évidemment, si quelqu'un qui n'est pas, qui est pas en tant que personne, pas extraordinaire, tu le mets dans une fonction où il y a des répercussions, c'est sûr que c'est ennuyeux. Mmh. Mais c'est deux notions différentes. Le fait d'être chef, c'est utile. Alors après, que ce soit des chefs tournants, why not, hein ? Un jour c'est lui, enfin un jour c'est lui, peut-être pas un jour, mais une année c'est un, une année c'est l'autre. D'ailleurs, c'est pas mal, parce que comme ça on voit que c'est pas si facile. Mais... qu'il y ait des gens qui ne soient pas aptes ou qui ne savent pas, qui sachent pas vraiment... d'ailleurs, faire ce métier de chef, c'est peut-être aussi... Il faut leur donner la possibilité. On peut se former à ça. Hein. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent le faire comme ça du premier coup, mais il y en a peut-être des fois, ils ont peur. Ils ne sont pas à l'aise. Donc, c'est peut-être là qu'ils en font trop ou voilà. Donc voilà l'idée, moi je crois, d'un chef. On ne met pas n'importe qui comme chef pour gérer. Et je pense que ce chef, il doit amener les gens. Enfin voilà, moi je suis dans une structure où on s'autogérait, tu vois, c'était vachement passionnant. Mais ce n'est pas venu comme ça. À la base, tu avais le chef et il nous fatiguait parce qu'il était. Il profitait de sa position de chef pour parler. Pour mettre tout de son côté, quoi. Et je pense qu'un chef. Parce qu'il y a la dictature et la démocratie. Genre, un chef, tu vois, qui fait la dictature, c'est facile. Ouais. La démocratie, ça demande du temps d'écouter tout le monde. Alors, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ça revient à celui qui a le pouvoir, c'est pas pour ça qu'il a la puissance. Et donc, quand tu parles de ce chef-là, pour moi, il a que le pouvoir, mais il a pas la puissance. C'est-à-dire qu'il a pas le potentiel pour y être. Et secondo, la démocratie, ça prend du temps. Et c'est pour ça, souvent, qu'on met des chefs, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on dit, bon, voilà, ça va aller plus vite, lui qui décide, les autres, ils exécutent et tout. Mais je suis tout à fait d'accord sur cette histoire de temps. D'ailleurs, l'autre jour, je faisais les notations de mes agents. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans l'administration. On note les gens tous les ans. Et à ce moment-là, c'est un moment un peu particulier dans l'année. On a justement, on prend le temps, même pas, on n'a pas le temps, mais enfin, on le prend, d'avoir un entretien avec l'agent. Pour voir s'il est content, s'il n'est pas content, comment ça s'est passé cette année, qu'est-ce qu'il veut faire l'année prochaine. Voilà, tu prends vraiment le temps de l'écouter et dans l'autre sens, toi, tu dis, bah, moi, pareil, l'année dernière, je trouve que... Enfin, l'année écoulée, tu as fait bien, tu n'as pas fait bien. Ou voilà, moi, est-ce que je voudrais pour l'année prochaine. Voilà, c'est vraiment un moment qu'on prend. Et donc, je discutais avec une collègue et elle me dit, oh là là, mais c'est pas possible, on prend jamais le temps, on prend jamais le temps de s'arrêter pour réfléchir sur ce qu'on fait. Et la méthode qu'on a choisie de tout partager, parce que ça, c'est ce que j'ai choisi au bureau, elle est vachement intéressante, mais elle est super compliquée et elle prend du temps et c'est un investissement. Alors voilà, on aurait pu choisir une autre méthode qui allait plus vite, mais que je pense moins intéressante parce que tout le monde ne pouvait pas mettre tout en commun. Mais le temps, c'est super important dans tout d'ailleurs. Dans la gestion de la vie, dans la gestion en général. Ouais, puis c'est plus rigolo quand il y a du soleil aussi. Hein. C'est un petit parallèle, le temps. Ça dépend. Si tu restes très longtemps en plein soleil, c'est moins bien. Pourquoi ? Parce que t'as trop chaud. Trop chaud. Le temps, ça met... vraiment, c'est là que tu vois le trop et le pas assez dans le temps aussi. Des choses qui passent trop vite et des choses qui sont lentes. Ça dépend des conditions où tu les vis. Ouais, ça dépend. Si t'es bien, ça passe très vite. Si t'es moins bien, c'est lent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jeanne, de tout ça? C'est comme celui qui est à la gare. Il y a sa copine qui part, il l'accompagne, le temps passe très très vite, c'est horrible. Et une autre, il est à la gare et qu'est-ce qui peut se passer? Et il attend sa belle... Non, il attend sa belle-mère, le temps passe très lentement. La relativité. Et ça me fait penser à une chanson qui a été reprise par Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Vous partez en voyage. Alors, il dit, oh là là, vous partez en voyage pour 3 semaines ou je sais plus. Comme c'est long, comme c'est long, comme c'est long. Puis quand elle revient, il dit, ah bon, déjà? J'adore. Quand la vie est remplie, ça passe toujours trop vite. C'est peut-être ça le charme de la vie aussi, hein, c'est de sentir comme ça qu'il y a des moments où il y a quelque chose dans l'air comme ça. Il y a des moments... Dans la journée, je suis sûre que ça existe. Mais bon, il faut être un petit peu calme et réceptif. Aux alentours de midi, mais je pense hein, que c'est une, qu'il y a une raison physique à ça. Aux alentours de midi, entre, alors faut voir par rapport aux heures d'été, heures d'hiver, dans l'idéal, il faudrait être sûr où on est par rapport au soleil, mais aux alentours du zénith, quoi. Il y a un moment où on dirait que le temps, il est suspendu. J'ai deux remarques. Je pense que le temps est suspendu parce que vers midi, on commence à avoir faim et on attend d'avoir la nourriture, on est comme ça. Quand est-ce qu'il est midi? Quand est-ce qu'il est midi? Et là, il est 11h30, il est 11h31, il est 11h32, il n'est jamais midi. Et un autre truc, c'est qu'en effet, au niveau physique, quand on vit avec le rythme du soleil, on est beaucoup plus en phase et on est... beaucoup plus heureux. Je ne sais pas si ça a à voir avec le zénith, mais je voulais le dire. Donc, quand tu reçois la lumière du soleil le matin et celle du soir, avant de te coucher, tu te réveilles facilement et tu as beaucoup plus de possibilités d'être en phase avec ton corps. C'est les ondes qui t'arrivent. Les ondes du soleil ? Oui, les ondes électro-lumineuses, électromagnétiques. Ah ouais, je connais pas. Enfin bon, en tout cas, moi j'ai remarqué que il y a une heure, donc aux alentours de midi, où on dirait que tout s'arrête. Alors, et d'une, quand tu te retrouves dans une, comment dire, dans un endroit où il y a des gens, effectivement, plus ou moins tout s'arrête parce que tout le monde part manger. Donc déjà, il y a plus de silence, mais on dirait qu'il y a que tout s'arrête, que le vent, il s'arrête, que les oiseaux, ils s'arrêtent, que c'est plus silencieux. Et à un moment, c'est incroyable, où tu dirais que tu es en suspens. T'as une sorte, alors, ça ne dure pas très longtemps. C'est incroyable, ce moment-là. Tu dirais qu'il n'y a plus que toi et le temps, quoi. Il n'y a plus de temps, d'ailleurs. Tu es là, dans une espèce de boule. Et puis après, ça reprend. Il y a un temps suspendu. Trop bizarre. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Je retire ce que j'ai dit, j'avais pas bien compris ce qu'avait dit ma mère. Sur le temps de manger et tout ça. D'ailleurs, Janou, des fois, elle comprend pas ce que je dis. Et elle dit qu'elle comprend. Mais en fait, elle a pas compris. Et après, elle est persuadée que j'ai dit un truc. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'elle a compris autre chose. Et elle est persuadée que c'est ça. Voilà. Ça, c'est marrant si c'est dans la communication. T'envoies un message, mais c'est pas obligé que ce soit celui-là qui passe. Et que les gens y reçoivent. D'où l'intérêt de la reformulation. Oui, mais dans la communication, il n'y a pas que la communication verbale. Il y a aussi ce qu'on envoie avec les gestes. Et peut-être que je ne capte que les gestes qui disent la vérité. Mais c'est pas que c'est plus faux ou plus vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, Janou. La communication non verbale, c'est bien connu. C'est bien connu. Mais quoi, j'essaye de suivre ce que tu disais comme idée là. Ton idée là qu'on a entendue, tu l'annules en fait, c'est ça par rapport. Mais non, mais c'est parce que je pensais que elle parlait du temps avant manger. Moi, j'ai l'impression que ça va rester gravé, que je ne suis qu'un ventre et que je ne veux que manger tout le temps. Mais ce que je voulais dire, que quand elle a parlé de sa boule de lumière dans laquelle elle est enfermée, c'était pas du tout ça à quoi je pensais. Et donc je dis, ça n'a rien à voir avec la conversation. Alors j'annule pas, je dis que ça n'a rien à voir. Alors très intéressant. Qui a parlé? Certainement pas moi de la boule de lumière. C'est elle! C'est dingue! Mais bon, d'un autre côté... C'est une traduction déjà. Ouais, mais d'un autre côté, dans ce temps suspendu, je n'ai jamais vu personnellement de boule de lumière, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais perçu quand il faisait la neige ou la pluie ou la tempête. Je ne me suis jamais rendu compte que tous les éléments s'arrêtaient. C'était plutôt dans des journées assez calmes déjà, au départ. Donc, ensoleillé, si je comprends bien. Ensoleillé ou clair. Peut-être pas obligé qu'il y ait un énorme soleil. Mais... Comme quoi, dans cette communication non-verbale, il y a eu une histoire de boule et de lumière. Oui, mais je vois pas quand. Je me sens comme dans une boule. Non, alors justement, erreur. Une bulle. Une forme de boule. Une bulle de temps suspendu. Mais j'ai pas parlé qu'il y avait une boule de lumière. Hein. Donc ça, c'est une extrapolation et une... Comment on dit une projection. Voilà. Une projection. J'ai envie que ma mère soit comme dans Dragon Ball, qu'elle jette des boules de lumière et toute sa puissance sur les gens. Alors donc, en parlant de puissance, en revenant à puissance, il y a des gens qui peuvent penser que certains ils sont faibles parce qu'ils ne sont pas à la recherche de pouvoir et des choses comme ça. Simplement parce que, étant donné qu'ils ont la puissance, ça ne les gêne pas. C'est comme un gros géant... qui réagit pas quand t'as plein de nains autour de lui, qui le piquent et tout. Pourquoi il réagirait? Ça l'atteint presque pas. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la puissance et le pouvoir. Mais bon, le pouvoir, des fois, c'est pratique, parce que les gens, ils aiment ça aussi. Les gens, toi, tu aimes? Bah... Surtout quand elle l'a. Non. Non. Justement, c'est pas ça. Mais je dis que j'ai remarqué, alors les gens en général, peut-être pas, mais il y a quand même une partie de la population qui aime les gens de pouvoir et qui aime pouvoir, parce que c'est sécurisant. Donc, ils sentent qu'ils peuvent suivre, simplement, qu'eux, ils n'ont rien à faire, qu'ils suivent. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je vais répondre au téléphone. Merci, au revoir. Il y a une expérience qu'a fait un gars en prison, tu connais celle-là, où il prend 30 universitaires, il dit que 15 c'est des gardiens de prison et 15 c'est des prisonniers, et ils se rendent compte que, ah non c'était pas cette expérience dont je voulais parler, mais c'était une expérience sur les comportements humains, et donc ils se rendent compte que les gens rentrent dans leur rôle très vite de prisonniers et de victimes et de gardiens de prison tortureurs très rapidement. Et ça me faisait penser à cette autre expérience où les gens avaient l'ordre d'électrocuter. Ils croyaient qu'ils électrocutaient des gens s'ils donnaient une mauvaise réponse. En fait, ce n'était pas des vraies décharges, c'était des acteurs qui faisaient « Ah, je me fais électrocuter ». Et donc, le fait est qu'on leur disait « Donne des décharges et obéis à cet ordre », il y avait 60 ou 75% des gens qui obéissaient parce qu'en fait... les gens aiment obéir et qu'une société peut bien fonctionner quand beaucoup de gens obéissent, quoi. Sinon, ça fonctionnerait pas si personne ne payait son métro, si on faisait pas la queue dans le supermarché, qu'il y ait une sorte de règle établie que les gens doivent suivre pour vivre en société. Christine, là, tu foires tout, hein. Oh. Excuse-moi. Il y a Valérie qui demande si vous voulez, rappelle. Si vous voulez venir déjeuner surtout, parce qu'elle va au marché. Je crois pas. On va déjeuner? Non. Je vous suis, moi je vous suis, faites ce que... C'est pour pas perdre de temps, c'est pour ça. Mais Valérie, on te rappelle s'il te plaît, parce qu'on est en plein enregistrement radio. Elle va au marché. Alors ne compte pas sur nous, je suis désolée. Pas pour manger en tout cas. Pas pour manger. Mais on arrive à quelle heure là? Je dis que ne compte pas sur nous pour manger, parce qu'on va pas avoir le temps. Donc c'est cette idée de suivre le mouvement, comme s'il fallait toujours une locomotive et les gens suivent. Mais moi, j'ai déjà un peu réfléchi là-dessus. Quand tu dis « il faut qu'il y ait des gens qui obéissent », je ne sais plus, j'ai réagi à comment tu disais une phrase là, et j'essaie de la retenir. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut, depuis la plus tendre enfance, les enfants, et puis même la structure école, on t'éduque en fait à obéir, hein. On ne te laisse pas faire... Alors, je ne sais pas comment elle serait, cette société où on pousse les gens vraiment à être autonomes, à penser par eux-mêmes, à pouvoir remettre en question. Enfin, moi, j'ai vu dans mon organisation de travail, très clairement, c'est fatigant, quelqu'un... Enfin, ça fatiguait les gens. Moi, je trouve ça très normal de remettre en question, de poser des questions, de comprendre pourquoi ça se passe. Oui, alors, c'est fatigant, mais je pense que ça serait très fatigant si tout le monde le faisait tout le temps. Donc, il faut qu'il y ait un moment une personne qui pose des questions, une autre qui comprenne, une autre qui comprenne pas, une autre qui... pour que... il y a une sorte de mouvement, si c'est tout le temps je pose des questions et je suis autonome et je me réalise moi-même, il n'y a plus vraiment de société, c'est pas ça. Non, c'est pas je me réalise moi-même, mais dans une structure où on a le même objectif. Ouais. T'es engagé, nous sommes engagés parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est le même. Ouais. Les gens, dans leur tête, autour de la table, c'est riche parce que c'est différent. Si chacun se sent bien à sa place, enfin moi c'est ce que je m'imagine, tu vois, c'est comme une expérience. Oui, on aurait tendance à dire que c'est fatigant, allez, on suit le mouvement. Moi, j'ai tendance à penser que si on amène les gens autour de la table à vraiment amener chacun, mais c'est riche, c'est d'autant plus riche qu'une tête. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça prend du temps, ça, justement, oui, oui, tu oui. vois. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, c'est savoir quelle est la règle, si la règle est participer et que chacun mette du soi pour enrichir la structure, ou que ça soit plus rapide, plus facile et que tout le monde la ferme, quoi. Oui, c'est cette idée de départ, quoi. Hein, voilà, on réfléchissait sur la notion de pouvoir et Jeanne expliquait, c'est l'expérience de 1000 grammes, par exemple. Je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Non, mais en tout cas, je pense que pour une action... pour une action efficace, il faut les deux. C'est-à-dire que il faut un temps de concertation et d'échange d'idées, mais après, on peut plus laisser tout le monde agir à sa guise, parce qu'après, si tu veux, c'est trop éclaté et il n'y a plus de direction. Tu perds l'énergie si elle se disperse. Donc, ok pour des moments de où chacun s'exprime, mais après, il faut quand même qu'il y ait un consensus pour aller tous dans la même direction. Et il faut suivre après. Donc, admettons qu'on consulte souvent les gens, on s'arrête sur quelque chose et on dit « on y va ». Et après, oui, mais non, alors c'est fini, tout le monde a validé, puis on part, parce que sinon, t'en finis pas, et puis t'avances pas, quoi. Enfin, ouais, bon, moi, je suis bien d'accord. C'est mon avis, hein. Ouais. C'est l'idée de ne pas suivre bêtement, c'est l'idée de réfléchir à... De toute façon, l'objectif, il est commun, c'est ça qui nous rassemble. Hein. Vous imaginez la force quand il y a 10 personnes autour de la table qui vont dans le même sens vers l'objectif, c'est puissant. Ah, bah non, mais ça, c'est sûr, hein. L'expression « l'union fait la force », c'est pas pour rien, hein. Mais elle est de toute façon, elle est bien... Elle reflète bien la réalité. Mais l'union dans un même sens... fait la force. Parce que sinon, réunir des gens et qu'après, tout le monde, chacun se disperse, non, il faut canaliser, c'est ça. Il faut canaliser l'énergie de tous ces gens. Mais bon, à part ça, moi, des fois, je trouve que c'est reposant de suivre. Hein. Quelqu'un te dit, on fait ça, bah, on fait ça. Au mariage de Florent, quand il a fallu nettoyer les salles du mariage, il a dit, toi tu fais ça. Oh bon, moi, pas de problème. Hein. Je dois balayer, je balaye, je fais les sacs poubelles. Ça me posait pas plus de problèmes que ça. Hein. J'avais pas envie de dire, ah ben non, je préfère faire, je sais pas quoi, les verres que les assiettes. Enfin bon, si tu veux, bon. Ça me gênait pas. Je n'étais pas spécialement rétive pour obéir à mon neveu qui a 30 ans de moins que moi. Ça ne me gêne pas. Donc c'est pour ça que je te dis des fois, c'est pas vraiment désagréable de faire ce qu'on te dit. Pour toi, je dis que des fois, les gens, ils aiment bien avoir des chefs. Parce que ça les libère d'avoir à réfléchir et aux conséquences et tout. Non, mais sans blague, hein. J'adore l'idée, ça me libère de réfléchir. Alors, t'es où? J'adore. Quand tu réfléchis pas, t'es où, alors? Ah ben, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est rare quand je réfléchis pas. C'est très fatigant. Donc, j'aime bien, des fois, me confier à quelqu'un qui dit, voilà, faut faire ça, c'est trop pratique. Non, mais ça, moi, je comprends bien aussi. Mais par exemple, dans le boulot, autour de la table, je reviens toujours avec la même idée, mais on s'autogère, ça veut dire que quelqu'un est qualifié, il a réfléchi sur un domaine particulier et il demande à l'équipe de le suivre. Mais pas de problème, mais je sais à qui j'ai affaire, je sais pourquoi je le fais et il a besoin de l'équipe pour aller, pour que ce soit plus puissant. Ben, pas de problème. Ça implique une relation de confiance entre celui qui prend la décision et les autres. Donc ça, c'est une relation de confiance qui soit s'établit au fur et à mesure, soit quand t'arrives, tu l'as, parce que tu dégages, puis c'est tout, et les gens, ils ont confiance en toi. C'est vrai que ça, c'est important, parce que quand les gens, ils sont pas sécurisés, qu'ils ont pas confiance, qu'ils pensent que leur idée est meilleure, c'est ça, parfois, qui empêche une bonne action, je pense. Enfin, quand je dis bonne action, une action efficace. Alors bon, faut quand même, ça n'empêche pas qu'il faut quand même un espace d'expression pour tous. Mais c'est vrai que ce sentiment de confiance dans la personne qui doit diriger, c'est important quand même. C'est la responsabilité. À la fois, tu es en accord, plus ou moins, avec l'action, la direction de l'action. Ta confiance dans la personne en tant que responsable, c'est-à-dire que tu sais que la responsabilité, c'est important. Tu sais que si il y a quelque chose qui ne marchera pas, cette personne en répondra. C'est elle qui est responsable. Il y a aussi la notion de respect, R. R comme responsabilité, R comme respect. Qu'on te respecte dans ce que tu penses et qu'on t'entend. Et toi aussi, tu dois respecter les décisions qui sont prises. Et reconnaissance, un autre R. Ce qu'on reconnaît, ce que tu as fait, et toi, tu reconnais ce qui a été fait chez, par exemple, ton responsable. J'aime beaucoup les trois R. Respect, responsabilité, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Reconnaissance. Reconnaissance. Et un quatrième que j'adore trop, mais moi, ça, c'est un peu... C'est la rigueur. J'aime beaucoup la rigueur. L'ordre et la rigueur, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est ce qui accompagne une action et qui la rend solide. La rigueur dans tout, j'aime beaucoup ce mot-là. Et la rigueur en général. Alors la rigueur, ne tombons pas dans le rigorisme, qui est donc l'excès de la rigueur. Je vois que ça laisse dubitative, Graviella. Non, non, j'écoute. Moi, j'aurais peut-être pas choisi le mot rigueur, parce que... Oui, ça a un aspect, c'est connoté un peu péjoratif, la rigueur, je le sens. Mais la rigueur peut être extrêmement... Drôle. Belle et drôle. Non, mais sans blague. C'est pas parce que t'es rigoureux que t'es emmerdant, ou sombre, ou triste, hein. La rigueur, c'est l'ordre, la musique. La musique. Comment veux-tu écrire de la musique sans rigueur ? Les notes, si elles ne sont pas ordonnées, ça ne te donne rien ? Ça ne te donne pas de musique ? J'ai eu l'occasion de réfléchir un peu. Là-dessus, il n'y a pas tellement longtemps, les notes de musique ont été inventées pour pouvoir communiquer avec un autre qui fait de la musique et dire « Tiens, c'est quelle note que tu joues ?» pour aller plus vite. Mais à la base, un instrument de musique... Où la musique, il n'y a pas de notes. Après, ça a été créé, tu vois. Non, ce qui a été créé, c'est l'écriture. Ouais. C'est pour graver la musique et pour la transmettre ou la communiquer. Je suis bien d'accord. Mais la musique, naturellement, quand tu prends ton instrument, ça se joue avec le cœur, avec le... Ça n'est pas incompatible avec la rigueur. Quand je dis la musique, tu joues un joli air de musique ou tu chantes une jolie chanson. Mais tu ne chantes pas n'importe quoi. Tu es d'accord ? Tu vas pas faire ça, c'est pas agréable à écouter. Si tu veux que ça soit beau et agréable à écouter, et même mieux repris par d'autres, il faut suivre. Et quand je te dis que l'ordre et la rigueur, ça tient un peu du même principe, c'est que il faut que ce que tu chantes, ça soit ordonné de façon quand même rigoureuse pour que ça donne un résultat. Mais... Une crème caramel sans rigueur. Tu dis non, non, je vais pas suivre, je vais faire... Alors je vais mettre 300 grammes de sucre, que 1 demi-litre de lait, puis 20 œufs. Alors tu fais, moi, ça me gêne pas, hein, mais je suis pas sûre que ça sera très bon à manger après. C'est tout. Mais je veux dire que la rigueur peut être naturelle aussi, je veux dire, quand tu fais de la musique, ok que les notes c'est écrit pour le langage, pour communiquer, mais quand tu fais de la musique naturellement, toi, naturellement, t'as les harmoniques dans ton corps qui sonnent bien et qui sont reflétées dans les... Je veux dire que les harmoniques naturelles sont les harmoniques de la musique et sont les rigoureuses harmoniques. Je sais pas, c'est clair ou pas ce que je veux dire? Oui, c'est comme le nombre d'or. Mais c'est ce que je disais, la rigueur n'est pas... Et n'est pas incompatible avec l'harmonie. La rigueur, l'harmonie, tout ça, ça relève de l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est ça. Là, les filles, vous êtes énormes, quoi. Parce que moi, je pense que l'ordre, déjà, c'est très subjectif, hein, l'ordre. Et puis, je pense que le monde s'est créé dans le désordre. Aussi. Non, attends, après... Il s'est créé dans le désordre aussi et qu'on a inventé, par exemple en musique, je ne sais plus le terme en jazz, ça porte vraiment un nom pour dire c'est dissonant, c'est pas du tout harmonieux, je ne sais plus le nom quoi. Ah zut, comment ça se dit quand la rythmie du jazz, ouais, sais que c'est, tu suis pas. Je ne sais pas. Mais si, enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, Madame Graziella, fort intéressant cette remarque. L'univers, plus exactement, plus que la nature, est une alternance, malgré tout ordonnée, d'ordre et de désordre. C'est comme la vie et la mort. Tu as un désordre, admettons, une grosse explosion de neutrons, protons, voit tout le bazar, ça te crée, je schématise, la Terre. Voilà. Et au fur et à mesure, les choses s'ordonnent, pour arriver à quelque chose. Pof, il y a une autre catastrophe qui te met tout en l'air. Et à partir de là, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est toute la vie n'est que ça. Ordre et désordre. C'est ça. Donc tu ne peux pas faire un ordre immuable parce qu'après, tu meurs. Mais tu ne peux pas faire un désordre immuable parce qu'après, c'est... Tu meurs. Mais non, il n'y a pas de vide. C'est le chaos. Il n'y a rien. Donc, il faut cette alternance d'ordre et de désordre avec des périodes d'ordre suffisamment longues pour arriver à un état, et quand cet état ne peut plus évoluer, d'office, naturellement, le désordre intervient pour refaire naître autre chose. Si toi, dans ton corps, tu n'étais qu'ordre, au bout de une minute, tu exploserais, parce que tes cellules continueraient de grossir. En fait, il faut dans le corps que les cellules, sans arrêt, meurent pour que d'autres viennent. C'est ça tout le temps. Et dans la musique, c'est pareil, il faut que les notes... Et puis après, il y a des temps d'arrêt, il y a des rythmes, dis-toi. Mais quand je te dis rigueur, faut pas prendre au mauvais sens, tu vois. Moi, peut-être, alors, je lui mettrais le mot, parce que le rigueur, ça fait... J'ai déjà entendu des gens qui utilisaient ce mot, ils étaient même pas eux-mêmes rigoureux. Alors, peut-être, je préférais le mot conscience. À partir du moment où tu as conscience des choses, il y a quelque chose qui se passe d'énorme. Mais vraiment la conscience, hein. Conscience de tous les enjeux, conscience... j'aime bien... Le cerveau humain, il est, d'après moi, avoir conscience de tout, c'est pas encore à notre portée, parce que... Pas de tout, n'exagérons rien. Mais non, mais parce que même, tu pourrais pas supporter... C'est comme dans Dune, justement, il y en a une... qui s'appelle Alia l'Abomination, qui a conscience de tout. Et elle se suicide parce que c'est insupportable, tu vois, c'est affreux. Après, il la recrée, mais ça, la conscience, c'est encore autre chose. Non, la rigueur, c'est une manière d'être, je dis. À réfléchir, je suis bien d'accord avec toi. Je n'impose rien. La conscience éveillée, là, tu vois, un truc, évidemment pas sur tout, mais à partir du moment où tu es vraiment conscient de ce qui se passe, tu peux plus fermer les yeux, tu dois... Enfin, voilà, c'est une action, allez hop, on se met en mouvement, et blablabla, et blablabla. Qu'est-ce que t'en penses, Jeanne? Parce que t'avais levé le doigt pour parler. Je suis revenue sur un truc dans ma tête. J'étais en train de penser, et j'y connais pas grand-chose, hein, à la physique. Et plus c'est lourd, plus c'est difficile à bouger dans la physique. Mais plus c'est fort aussi. Et c'était, j'étais en train de penser à ça toute seule. Et alors, le rapport à quoi ? À la puissance, au groupe et à la masse. Et ça regroupe tout ce qu'on vient de dire. Je comprends rien. Bah oui, je veux dire que s'il y a beaucoup de gens, c'est très puissant, mais en même temps, c'est très lourd et donc c'est très lent. Ah ! C'est de la physique quantique, quoi, partout. Ah, d'accord, pas mal. Pas mal. C'est vrai qu'une grosse masse, puissante et difficile à manipuler. Mais une fois qu'elle est bien manipulée, elle peut avoir des effets extrêmement importants. Pas mal. C'est comme le pouvoir au peuple, quoi. Et c'est pareil, le pouvoir au peuple, il faut le savoir, le gérer. C'est tout. Alors moi, je vais te dire franchement, hein, personnellement, l'anarchie et moi, ça fait deux. Hein. Ça fait même 3 milliards. Je suis pas du tout pour l'anarchie. Bien que j'ai peut-être une notion un petit peu communément dans la tête de tout le monde de l'anarchie, comme la rigueur, si tu veux. Pour... Je suis pas sûre de connaître exactement... politiquement ce que c'est l'anarchie. Mais bon, pour moi, je parle de l'anarchie au sens premier. Quand on dit c'est l'anarchie, c'est tout n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc l'anarchie et moi, ça fait deux. Je suis pour l'ordre et la rigueur. Oui, genre l'anarchie, comme j'entends, c'est genre sans règles, ça. C'est, voilà. Ça ne te va pas, ça. Ah non. Moi, j'aime bien les règles. J'aime bien l'ordre. J'aime bien ce qui est rangé au bon endroit. Mais je sais très bien que ça a une limite, puisque comme je te disais tout à l'heure, après, il faut modifier l'ordre, parce que sinon, tu n'évolues plus. C'est de vous à la mort. Non, mais ça, je vois bien. Voilà. C'est... Bon, il reste plus grand temps, mais par exemple, continuons la conversation, c'est que pour prévenir, il reste plus grand temps, mais encore, mais un petit quart d'heure. C'est une philosophique du dimanche matin, rue de Fontarabie. on appellera ça les philosophiques du dimanche matin, rue de Fontarabie. Et par exemple, pour faire un parallèle, question au niveau politique, c'est un peu l'anarchie quand même. Hein. Est-ce que tu trouves ça bien rangé ? Est-ce que c'est très clair ? Est-ce que... Ah, bon, je ne dirais pas qu'au niveau politique, c'est l'anarchie, parce que dans la politique, surtout aujourd'hui, tu as l'image en premier. Donc ça, c'est le grand show, c'est que du spectacle. Mais la politique se repose sur l'organisation administrative qui est derrière. Je vois mal... Aujourd'hui, hein, ça n'existe pas. Ils ont beau... On fera ci, on fera ça. Derrière, il y a des gens qui bossent et qui sont là pour appliquer. Il y a des lois, si tu veux. Tout le système législatif, c'est après ce qui met en application ce qui a été décidé en politique. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que ça soit l'anarchie. Tu ne trouves pas que c'est l'anarchie ? Non. Par contre, c'est pas pour ça que ce qui se passe, c'est bien. Mais, franchement, ce n'est pas l'anarchie. Alors, que les orientations soient prises, soient bonnes ou mauvaises, ça, c'est un grand débat, on peut en discuter, mais ce n'est pas l'anarchie. L'anarchie, c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Alors, ça peut paraître, de l'extérieur, de l'image qui est donnée, une image anarchique, mais ça se dit, c'est le côté spectacle, ce côté image. Mais dans la vraie vie de tous les jours, pour les gens, non, c'est pas l'anarchie. C'est extrêmement réglementé. D'ailleurs, des lois, il y en a. Il y en a d'autres qui annulent celles précédemment. Il y en a d'autres qui les renforcent. Alors, on peut dire au niveau du système législatif qu'il y en a trop. Je ne serais pas contre dire qu'il y a trop de lois. Parce qu'une bonne loi doit se suffire elle-même. Si elle est bien faite, si tous les aspects des conséquences sont bien examinés, normalement, une bonne loi, ça devrait suffire. Donc, on ne devrait pas avoir 3 milliards de lois qui s'empilent les unes sur les autres. Après, c'est que du texte réglementaire pour appliquer, mais une bonne loi, ça devrait suffire. Mais là, on en a trop. On a trop de lois. C'est fou qu'on revient toujours à la même chose. Hein. Plus le système va être lourd, empesé et compliqué, plus il va être amené à imploser. C'est sûr, c'est la nature. Ordre et désordre. Pouvoir, ordre et désordre, c'est la même chose. C'est fou. Et alors, on me critique souvent en disant que j'ai une vision un peu mécanique de l'univers, mais je trouve que j'ai une vision simplement naturelle de ce qui se passe. Je tiens à dire que la mécanique, c'est le mouvement, et qu'il y en a partout, et c'est normal, quoi. Donc, c'est une vision mécanique. On ne peut pas vraiment dire une critique d'une vision mécanique. C'est comme dire un chauve qui les chauffe, quoi. Ce n'est pas une critique, non, c'est comme c'est ça. C'est parce que les gens, si tu veux, ils s'attachent beaucoup à l'image et ils ont des reçus sur les mots. Ils interprètent, ils projettent en disant mécanique, il n'y a pas de nuance. C'est faux, c'est pas ça. Mais je me rappelle une discussion qu'on a eue sur la mécanique et avec une de mes connaissances qui disait que la mécanique, c'était la loi de l'univers. Tu vois ? Très intéressant. Donc, voilà. Vive la mécanique. Et les voitures, rien à voir. Dans et les camions. Hé, maman, ça existe la journée sans voiture ? C'est quoi la manifestation « La voie est libre » ? Je connais pas. Est-ce que ça existe une journée sans voiture à Paris ? Ça me dit rien, mais why not ? Je peux pas te dire, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas tout. Hein. Oh, c'est dommage. Bien, ouais, mais j'ai pas la puissance pour. Non, mais je voudrais vraiment finir sur une vision quand même peut-être moins rigoureuse de tout ce qui vient d'être dit. C'est que une crème caramel le matin, quand il fait beau, eh ben c'est quand même, ça illumine toute la journée. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que le plaisir de vivre est quand même plus important de tout. Voilà, merci mademoiselle Graziella. Le sanglier gibier de potence de l'Ardenne. L'enquête de Paris Match met au jour un plantureux business et des méthodes peu éthiques. Dans son édition de jeudi, Paris Match publie une enquête fouillée sur les dessous de la chasse aux sangliers en Wallonie. Au cours de la dernière décennie, l'emblème des Ardennes a vu sa population exploser à tel point que l'on recense quelque 25 000 individus actuellement. Les sangliers courent les bois, dévastent les cultures, ravagent les propriétés privées et vont même jusqu'à s'aventurer dans les villes. Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'agriculture en charge de la forêt, a lancé fin 2012 un plan destiné à réduire d'un tiers, dans les 3 ans, la population excédentaire de sangliers. Les raisons les plus souvent évoquées pour expliquer la prolifération de l'animal dans les massifs ardennais sont les hivers moins rigoureux et les fructifications forestières plus abondantes. Paris Match jette une lumière crue sur la pratique du nourrissage intensif organisé à grande échelle sur de vastes domaines gérés par d'importantes sociétés de chasse. Selon l'hebdomadaire, ces dernières ont transformé le sanglier en un capital à protéger et à faire fructifier aux fins de rentabiliser des locations de chasse dont les tarifs fixés par les communes ont explosé. On découvre que la chasse qui se pratique sur ces domaines n'est plus un art, que les sangliers qui y sont engraissés servent de chair à canon et que des chasseurs actionnaires prennent part à des battues qui s'apparentent à des carnages. D'après l'enquête, ce phénomène expliquerait pourquoi le sanglier ne prolifère pas uniformément dans toute l'Ardenne, mais à certains endroits devenu ce qu'un ex-agent DNF, défenseur national des forêts, ça c'est Fred qui dit, et ancien garde-chasse, appelle des chancres cinégétiques. Alors là, c'est aussi à aller voir ce que veut dire chancre cinégétique. Quelqu'un sait là autour de moi Chancre, oui. Chancre, chanvre. Ouais, moi aussi je vois. Et le sanglier, vous connaissez le bruit du sanglier Non, pas vraiment. Ok. Et on va se renseigner.